pour terminer cette soirée de ce mardi soir, puisqu'on avait dit qu'il serait là jeudi, mais bon, il revient que samedi sur la capitale, parce que monsieur est en vacances. Est en vacances, il en profite avec Sandy, il a bien raison. Gérard de Suresne pour terminer en beauté. Bonsoir Gérard. Salut. Ça va bien? Ouais. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir et de nous offrir quelques minutes de ton temps si précieux. Bah ouais. Tu en plus, il est de la chose de dire, bah ouais, t'es où? T'es en Bretagne? Non, en Normandie. Ah, donc chez la belle famille? Voilà. Donc tu te reposes bien? Bah ouais, j'en profite un maximum. J'ai 15 jours de vacances, alors j'en profite. Comment s'est passé Noël? Bien. C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as eu comme cadeau? Ouais. J'ai eu une montre et puis du parfum par Sandy. C'est quoi comme parfum? Du scorpion. Oh là là là là, vivement. Et tu vas venir parfumer avec ça dès que tu reviendras dans les studios? Ouais. Pas trop quand même. D'accord. Et tu as dit quoi du parfum, hein? Une montre. Une montre, c'est quoi comme marque? Bah, je l'ai au poignet. Une Philippine. Une Philippine. Non, c'est pas une Philippine. Monsieur. Non, je peux pas la voir là parce que comme les aiguilles elles sont passées sur minuit, donc je peux pas les voir. Ah, la marque est là en dessous. Ah, bah tu la remettras après à l'heure, tourne juste pour regarder, pour que tu nous donnes le nom de la marque quand même. C'est une belle marque, ça doit être un beau cadeau qu'on puisse savoir quand même. Oh putain. Bah t'avances, tu mets à 3h du matin, puis tu reviendras après à. C'est une relax. Alors c'est. Une fleta. Ah, une fleta, ouais. C'est, c'est une belle marque. C'est bien ça, ouais. C'est espagnol, c'est une belle marque ça, dis donc. T'as été gâté toi, mon salaud. Bah ouais. Alors t'es content? Bah ouais. Qu'est-ce que tu as fait à Bibi? Et Bibi, qu'est-ce que tu lui as offert? Bibi, j'ai acheté une robe de soirée Pierre Cardin. Oh. Un drap, quoi? Non, pas un drap, mais Pierre Cardin, tu veux dire. C'est marqué Pierre Cardin, mais c'est pas une vraie Pierre Cardin, c'est une étiquette que t'as collée. Non, c'est du vrai, hein. Eh ben. Donc, combien t'as mis? Ah bah ça. Non, mais. Une fourchette, une fourchette. Il y a deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres, tout ce qu'il te doit. Hein. Bah, il y a trois chiffres. Trois chiffres dedans, hein, oui, d'accord. Mais au-dessus de 500, moins de 500 en euros? Ah non, au-dessus. Hein. Au-dessus de 500, ah oui, c'est peut-être une vraie Pierre Cardin, ouais. Alors. Ah oui, quand même. Ouais, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y a beaucoup de tissus quand même. Tu viendras avec? Elle viendra avec? Ça, faudra lui demander. Oh, comme elle adore, alors. D'accord, ok. Elle viendra avec. Et toi, t'es avec le beau-père, t'es en train de discuter, je suis sûr que tu fumes un cigare devant la cheminée? Non, bah, moi, j'allais me coucher aussi. D'accord, t'as fait quoi ce soir? Bon, on a regardé la 2, puis là, on a la télé dans la chambre, je regarde Joli Cœur. Joli Cœur, ouais, c'est un bon programme. C'est sur quelle chaîne, ça? La 3, Francis Perrin. D'accord, ouais. Joli Cœur, bon programme. Tu fais du karaté dans le parking souterrain. J'ai n'importe quoi, l'autre. Bon programme. Donc, Gérard, t'es pas là jeudi, parce que tu reviendras que samedi sur la capitale? Voilà. Je rentre samedi dans l'après-midi. Paris est en deuil, hein. T'as pris une petite cuite le soir de Noël? Ah bah, comme d'hab, hein. Ouais, t'es bien rincé, quoi. T'en as bien profité. Et plus ni moins, hein. Bah ouais. Ouais, c'est clair. Bon bah écoute, très bien, bon esprit, Gérard, en tous les cas. Hein. Bah ouais. Donc, jeudi 4 janvier. Voilà. On se donne rendez-vous tous ensemble. Oh, ouais. Hein, on va fêter ensemble l'année 2001. T'oublieras pas nos cadeaux. Et ouais, je sais pas, t'as prévu des cadeaux? Non. Rien du tout pour nous, d'accord. Bah écoute, ça tombe plutôt bien parce que figure-toi que nous non plus. Ceci dit, si vous avez des cadeaux à offrir à Gérard parce qu'il reviendra le jeudi 4 janvier pour un débat qui portera sur les relations amoureuses, hein, ça tient toujours ça. Ouais. D'accord. Ça tient toujours. Vous nous envoyez tout ça à la radio, vous vous déplacez pendant la semaine, on a un petit peu le temps. Et puis si vous voulez nous envoyer, vous avez été très radin au niveau des cadeaux pour cette fin d'équipe. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, le 23 janvier, c'est mon anniversaire, alors c'est n'oubliez pas les auditeurs. Il faut penser à le noter. Le 23 janvier, c'est l'anniversaire de Manu, ne l'oubliez pas, tu feras être à télé 23. Je leur dirai tous les jours du mois de janvier, de toute façon. D'accord, il va faire un H moins. Il va faire ses 32 dents. C'est 32 dents. T'as la forme, toi, t'es en train de noter tes conneries ou quoi? J'espère que tu les notes sur un cahier, toutes tes conneries. Non. D'accord, très bien. Bon, bah, Gérard, bon rétablissement. Bah, non, je suis en vacances. Ah, t'es pas en cure? Non. Bon, bah, écoutez, amuse-toi bien, là-bas. Embrasse bien ta grosse. Ouais. Ta petite Bibi qu'on embrasse très fort et qu'on aime. Voilà. D'accord, et puis, t'inquiète pas, on gère tout, ton courrier, on te donnera tout seul jeudi 4 janvier. Ok, ça roule. Ça roule, bonne bourre à toi. Et tranquille, on voit que là-bas, dès qu'il est là-bas, il a la campagne, il est bien, il a la télé dans sa chambre, il se murge la gueule avec le beau-père, en plus il paye rien, il est nourri, bon, blanchi, ça va, bon, c'est l'autre, quoi que ce soit. C'est comme à Paris, hein. L'autre, il doit pas tellement, au niveau de l'eau, ça doit pas tellement user, au niveau des sapes à surgir, là, tu dis, bon, je fais une lessive. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas. Non, t'inquiète pas. C'est propre. C'est tout bon, c'est dans les ruisseaux, il n'y a pas de problème de ce côté-là.